gêne d'être un avocat ? Non, sauf que lui, il ne veut pas. Il aime la musique, il veut consacrer sa vie à la musique. Bon, la musique, c'est parfait, j'aime la musique, mais il devrait finir ce qu'il a mis en train. Je veux suivre mon chemin. Mon chemin ? Chanteur professionnel. C'est ça. Et qu'est-ce qui se passera ? Qu'est-ce qui se passera si tu échoues ? Je n'échouerai pas. Tout le monde pense ça, je sais. Nautilus, projet. Milnes, fédas.